En Corée, le tombeau du 15e roi de Goryeo, Sukjong, a été fouillé nouvellement à la commune de Seonjok, ville d'Okaeson. Sukjong est le troisième fils du 11e roi Munjong. Son vrai nom est Wang Hong et a gouverné pendant 10 ans, depuis 1096 jusqu'à 1105. Sukjong est le nom posthume du 15e roi de Goryeo. La tombe du roi Sukjong, qui se trouve à mi-versant d'une colline éloignée d'environ 3 km à l'ouest du chef-lieu de la commune de Seonjok de la ville d'Okaeson, mesure 29 mètres du sud au nord et 13 mètres de l'est à l'ouest. Elle est divisée en 3 secteurs répartis par 4 murs disposés de l'est à l'ouest. Divers vestiges montrant les caractéristiques du tombeau royal et de l'époque correspondante ont été fouillés. La Société d'archéologie de la République populaire démocratique de Corée a prouvé sur place que c'est le tombeau du 15e roi de Goryeo, Sukjong.